Notice de l'auteur sur Ghislaine. J'ai toujours eu, même jeune, la curiosité des enfants, et cela m'a valu plus d'une mésaventure, car lorsque l'enfant voit, et il le voit très vite, qu'on s'intéresse à lui, il s'apprivoise aussitôt et se familiarise rapidement. Pas besoin de paroles pour cela. Un regard échangé, tout est dit. Il sait jusqu'où il peut aller, c'est-à-dire jusqu'au bout de sa fantaisie. Aussi que deux fois, en wagon ou en omnibus, cette familiarité spontanée s'était traduite en avance qui consistait surtout dans l'essuyage de petites mains potelées et encore plus poissées de sucre ou de gâteau sur mes genoux ou sur la manche de mon vêtement. Au début, cette curiosité se partagea à peu près également entre les petits garçons et les petites filles. Je n'avais pas de préférence, mais peu à peu les petites filles l'emportèrent. Non pas qu'elles fussent plus faciles à suivre, au contraire, mais précisément parce qu'avec leurs détours et leurs mystères, elles étaient plus attrayantes. L'enfant éclaire l'homme, et plus encore la femme. Aussi, qui veut lire dans celle-ci sans avoir commencé à épeler avec la petite fille, se trouve-t-il en face d'un grimoire diabolique dont il peut tourner page après page sans y comprendre un traître mot. Ce n'est plus croyance courante que l'homme est sorti parfait des mains de la nature et que ce qu'il y a de mauvais en lui est l'œuvre de la civilisation. S'il était né avec cette perfection, l'homme des cavernes n'aurait pas triomphé de ses premières luttes pour la vie, dans lesquelles comptaient seules certaines forces que développe la nature, mais qu'affaiblit la civilisation en se perfectionnant. La férocité, l'astuce, la ruse, l'audace, tout ce qui constitue le caractère du tigre, du loup, ou simplement du sauvage. Il est évident qu'aujourd'hui, l'homme policé, avec son éducation, ses relations, son milieu, s'est éloigné plus ou moins de l'homme des cavernes. Mais l'enfant, avant qu'il subisse les leçons de l'éducation, combien en est-il prêt? Quel enfant n'est pas cruel, astucieux, menteur? Et beaucoup le sont si parfaitement qu'il semble que le mensonge soit un besoin naturel qui les domine et les dirige. Et parmi les enfants, combien les petites filles l'emportent-elles dans le mensonge? Probablement parce qu'il est chez elles une conséquence de leur faiblesse en même temps qu'une délicieuse satisfaction pour les fantaisies de leur chimère. Un prêtre me disait qu'au confessionnal, avec les petites filles, c'est toujours le même refrain. J'ai menti, menti, menti. Combien de fois? Oh, et pourquoi avez-vous menti? Je ne sais pas. Et c'est la vérité qu'elles ne savent pas. Quoique souvent aussi, ce serait la vérité d'avouer qu'elles ont menti pour rien, pour le plaisir, parce que le mensonge leur est une jouissance dont elles se grisent. Ayant la curiosité des enfants, je devais donc tout naturellement, en suivant cette pente de mon esprit, leur donner une large place dans mes romans. Et c'est ce que j'ai fait, en quelque sorte inconsciemment, au moins en cela que c'est seulement arrivé au bout de ma tâche que je me suis rendu compte de l'importance exagérée peut-être de cette place. En tout cas, je n'ai pas pris mon public en traître, et le premier roman où j'ai mis des enfants en scène, c'était le quatrième que je publiais, je lui ai donné pour titre « Les enfants », en faisant la part égale entre le garçon et la fille. Puis tout de suite, j'écrivis pour les enfants, et en vue d'être lu par eux, un roman, Romain Calbrice, où un garçon tient le premier rôle, mais en ayant près de lui une petite fille qui lui donne la réplique. Un laps de temps assez long s'écoule sans que je m'occupe de l'enfance dans mes romans. Une fille m'est née, et à la regarder grandir, ma curiosité trouve suffisamment à s'employer sans chercher des combinaisons de romans. Puisque j'ai la réalité sous les yeux, je ne vais pas faire de l'observation de parti pris, aimant mieux suivre le développement et l'enchaînement de la vie qui confirment ou contredisent les faits déjà notés. Mais pour cela, l'observation naturelle n'en fonctionne pas moins spontanément, avec la mémoire toujours affectueusement en éveil pour dégager ce qu'elle voit et l'enregistrer. L'enfant, le mien, me ramène enfin aux enfants, et j'écris « Sans famille », que j'essaie sur ma fille en lui lisant chaque soir le travail de la journée. Jusque-là, j'ai indifféremment mis en action des garçons et des petites filles. Maintenant, il n'y aura plus de place pour les garçons. Les petites filles la prennent toutes pour elles. Pompon, la petite sœur, Paulette, Micheline, le sang bleu, et enfin Ghislaine, pour finir par En famille. Voilà donc 10 romans, dans lesquels l'action pivote sur l'enfant. Peut-être même est-ce beaucoup sur l'ensemble de ceux que j'ai écrits. Je ne me suis posé cette question qu'en faisant ma récapitulation en ce moment même. J'ai été où mon goût me portait. Et cependant, quand j'envisage la place que l'enfant tient dans la vie, je ne peux pas trouver démesurée celle que je lui ai donnée. Tout ne part-il pas de l'enfant? Tout n'y ramène-t-il pas? Sans doute, ce n'est pas une situation courante que celle d'une honnête fille, entourée d'un milieu respectable, qui a un enfant avant son mariage. Cependant, si l'on veut bien établir une statistique des enfants nés hors mariage, on sera surpris de voir combien ils sont nombreux. C'est la situation de cette honnête fille et de son enfant que j'ai voulu présenter dans Ghislaine, un peu parce que dans Micheline, je l'avais déjà abordée dans des conditions différentes et sans lui faire rendre tout ce qu'elle peut donner, limitée que j'étais par mon sujet. Les deux romans forment donc pendant. S'il se trouve un lecteur curieux de les comparer, il verra comment, avec un point de départ presque le même, ils se ressemblent peu et comment les deux petites filles, Micheline et Claude, diffèrent entre elles. Parce que j'ai maintenant renoncé au roman, je n'ai pas en même temps perdu ma curiosité des enfants qui s'est portée sur ceux d'un âge auquel on ne s'intéresse guère généralement, les tout-petits. J'ai une petite fille, et c'est elle que je suis. C'est à elle, à la naissance et au développement, aux manifestations de ses facultés, que s'appliquent mes études expérimentales. Et comme les notes qu'elles me fournissent ne seront jamais publiées, je peux leur donner une sincérité incompatible d'ordinaire avec l'imprimé, ses scrupules et ses apprêts, car ce n'est pas par des observations en robe de chambre qu'elles ont commencé, mais plus simplement encore, en maillot. Curieux, le regard d'un enfant d'un jour? Mon Dieu, oui, et d'autant plus que la science ne l'admet pas. Curieuse, la façon dont s'exerce la première succion? Curieuse, celle de la production des sons? Curieux, le premier rire? Curieuse, la mimique de l'enfant pour montrer les choses dont on lui parle? Mon Dieu, oui, et d'autant plus que ces faits portent avec eux des interprétations qui ne tiennent pas dans ce que les philosophies d'un autre âge expliquent d'un mot commode, l'instinct. Le développement se fait vite chez l'enfant, et si vite qu'il surprend à chaque instant celui qui regarde, au point de se refuser à croire ce qu'il voit, retenu qu'il est par les idées qu'impose la tradition acceptée. Mais si l'on est de bonne foi, il n'y a qu'à suivre les différentes phases des transformations par où il lui plaît de passer. La sensibilité, la volonté, l'intelligence, dans un ordre mystérieux qu'il brouille et intervertit, et où ne se fera un peu de lumière qu'à la suite de nombreuses observations consciencieusement notées.